t'emmène avec nous, avec Radio Gamezo, sur le 107 FM ou sur le site internet www.radiogamezo.eu. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Gamezo. Eh bien, on se retrouve comme tous les 15 jours pour un nouveau numéro de Boomerang. 90 minutes pour Boomerang, on est ensemble en direct pendant 1h30. Et je dois dire aujourd'hui, malgré le manque de soleil dans le ciel de Remiremont, des Vosges, et oui, on est en automne, eh bien, c'est le retour ensoleillé de nos amis, Pascal. Salut Pascal. Oui, bonjour à tous, chers auditeurs, bonjour. Et puis Dominique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien content d'être revenu. Plaisir de rentendre vos voix et de voir vos présences en studio et puis participer bien sûr à Boomerang. Et puis Félicie. Oui, bonjour à tout le monde. Fidèle au poste. Oui. Et l'ami Segundino. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors on a une pensée pour Magali. Magali. Alors je suis obligé de me dire bonjour. Je sais pas, on fait comment ? Bonjour Jean-Baptiste. Ah, bon, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bon, on a une pensée pour Magali. Hein, ouais. Voilà, je suis sûr qu'elle nous écoute de là où elle est. Et puis, on lui souhaite plein de choses et en espérant qu'elle nous revienne très vite. Ouais, ouais. Allez, vous connaissez le principe de cette émission. Dois-je le redire ? Eh bien, on va faire un petit rappel. C'est une émission où il y a un échange d'idées, d'opinions, de débats sur des thèmes choisis par nos habitués. Et aujourd'hui, c'est pas avec Félicie qu'on va ouvrir le bal. Ah non, parce que... C'est avec l'ami Dominique. Ah Dominique oui, est de retour en plus. Alors, tu vas nous parler d'un livre avec un titre que j'ai trouvé fort sympa. Il était une fois, peut-être pas. Il était une fois, peut-être pas. On veut tout savoir. Trois petits points, peut-être pas. Voilà, donc c'est un livre de Akhli Tadjer. C'est un auteur que j'ai découvert par hasard. Comme ça, j'ai vu son nom, j'ai vu un peu ce qu'il écrivait, puis j'ai eu envie de lire un de ses livres. Donc, c'est l'histoire d'un papa d'origine algérienne qui a une fille qui s'appelle Myriam. Et c'est vraiment son bon Dieu, quoi. C'est un amour fusionnel qu'ils ont entre eux. Et cette Myriam donc, part à Toulon parce qu'elle veut faire de la voile. Elle veut être marin. Quand elle était enfant, elle a toujours rêvé de conduire des bateaux. Donc elle part à Toulon. Et là, elle rencontre un roumi, un blanc, qui s'appelle Gaston Leroux. Donc elle le ramène à Paris chez son très père. Très caucasien comme nom et prénom. Comme la chicorée Leroux, on peut dire. Oui, en plus, c'est vrai. Et puis, elle le ramène à Paris. Et puis... Donc elle est obligée de retourner à Toulon, donc ils font en bon an mal an cohabitation ensemble dans l'appartement de Mohamed. Alors il l'appelle toujours le Gus. Le Gus aussi, c'est vraiment très, très tendre comme écriture, c'est un peu écorché mais en même temps très, très humoristique. Mais enfin, pourquoi ça s'appelle Il était une fois, peut-être pas, c'est parce que dans la relation qu'il a avec Myriam, Mohamed, il lui raconte des histoires, des contes et légendes de ses ancêtres en Algérie, enfin des unions qu'il y a eu depuis son arrière-arrière-grand-mère. Et donc, il lui raconte toujours un peu la même histoire, et puis il prend aussi à témoin ses peluches, enfin un vieux chat qu'elle appelle Lucifer, et puis une poupée qu'elle appelle Cruella. Donc c'est les témoins de Cruella. Oui, oui. Alors quelle est la signification de ce prénom Je sais pas, enfin c'est pour pour donner un petit coup de canif. Pour créer le paradis et l'enfer. Ouais. Voilà, le paradis et l'enfer. Donc, avoir un contrôle un peu. Voilà. Et donc, voilà, il raconte à ces deux poupées, peluches, l'histoire des ancêtres de Myriam. Mais il raconte jamais la fin, et la fin est... Je sais pas si je peux la dévoiler, mais enfin, en fait, elle part à Toulon et puis là, elle rencontre un autre type, Malik, qui est un apprenti imam. Et puis, son père la met en garde contre ses croyances. Et alors, tout, qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre? Ben, c'est le décor, l'époque, les personnages, le style. Il y a un côté un peu humour, un peu un côté réalité et puis un côté rêve. Oui, puis ça a l'air d'être sur un ton un peu humoristique. Oui, oui, oui. Et Mohamed, c'est le papa, si j'ai bien compris, d'accord. C'est le papa, mais est-ce que c'est le vrai papa? Il ne parle jamais de la maman, on ne sait pas, la maman reste un mystère, on croit qu'elle est décédée, mais enfin, je ne dévoile pas la fin, mais c'est assez surprenant. Moi-même, je ne m'attendais pas à une fin de ce genre. Alors, une première réaction, peut-être Félicie, tu l'as lu le livre? Non, tu je ne l'ai pas connais lu, je ne le connais pas. Moi, je ne connaissais pas du tout cet auteur, Akli Tadjer. Et il paraît que ça a fait scandale, il a voulu, des enseignants ont voulu parler de ce livre. Et ah, par rapport au livre-là? Oui, ça a fait un peu scandale. Mais par rapport à quoi ça a fait scandale? Par rapport aux ethnies, à l'origine. Parce que c'est un livre qui a, ça a été écrit il y a longtemps? Non, c'est assez récent. Et l'époque, elle se situe contemporaine. Contemporaine. C'est étonnant. Je peux vous lire un petit... Ah ben avec plaisir, j'espère ça nous donne le ton du livre. Je me suis décidée pour le costume anthracite, celui qui me sert les jours fériés et les dimanches inutiles. J'ai même passé la cravate, mon unique cravate, une cravate bleue à pois blanc que j'ai achetée pour son dernier anniversaire. J'ai hésité toute la matinée à m'habiller comme ça, en sérieux. Au lever du jour, je voulais rester dans mes habitudes. Le genre tire-bouchonné aux chevilles, le chandail jacquard un peu déformé aux coudes, les mocassins enfilés sans chaussettes et surtout ne pas me raser pour bien lui montrer que pour moi, cette journée était sans importance. Sur le coup des 10 heures, je me suis sentie gris de mélancolie. Alors je suis entrée dans sa chambre, je me suis assise sur le bord de son lit, je suis restée à mariner dans mon pyjama longuement. Des minutes et des quarts d'heure à me laisser bercer par le tic-tac de son gros réveil à oreille de Mickey. Des quarts d'heure et des demi-heures à tenter de faire le vide dans ma tête. C'était du temps gâché à rien puisque je n'y arrivais pas. J'ai ramassé une de ces peluches qui dormait par terre, sur le ventre. Un chat noir aux yeux rouges que j'avais dégommé à la foire du trône le jour de ses 7 ans. Lucifer qu'elle l'avait baptisé, le greffier. Pourquoi Lucifer ? Pourquoi pas Dudule, Duglan ou Bébert? Je lui avais demandé surpris. Elle avait ri les doigts devant sa bouche et tenté, et elle avait hurlé. Lucifer à cause de ses yeux rouges comme les flammes de l'enfer. J'ai pressé Lucifer contre mon cœur, il avait toujours son odeur. Un mélange de chocolat, de confiture, de fraises et du temps passé. Ouais, il y a une écriture très fleurie, très imagée, on est beaucoup dans la description. Oui, moi, je dirais même c'est très fourni en petits détails. Très fluidé, de chocolat avec de la confiture. Tout le livre est comme ça, alors. Oui, tout le ton du livre est comme ça. Il parle d'un de ses ancêtres qui allait au thé à l'amande dansant. Ah ouais, pas mal. Je trouvais que c'était... Il y a des jeux de mots, c'est très métaphorique aussi. Donc, l'histoire de ses ancêtres, c'est entre réalité et rêve aussi. On ne sait pas... Il sublime un peu, il dit il ressemblait à Marlon Brando, ton grand-père ou ta grand-mère, c'était une beauté. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur un point de vue personnel de lire ce livre? Est-ce que ça t'a fait évoluer dans tes opinions par rapport à ces sujets qui sont traités? Évoluer, non. Enfin, j'étais quand même assez ouverte. Je sais que, des fois, il y a des dérives islamistes. Voilà, quoi. Mais ce qui m'a touchée, c'était la bienveillance qu'il avait, le personnage à s'occuper des autres. Et c'est ça finalement qui t'a retenu l'attention dans, dans ce bouquin. Parce que bon, il s'entend au début, il s'entend pas trop avec le Gus, mais il fait tout pour qu'il se sente à l'aise quand même. Il est bienveillant avec sa fille. Il a toujours. Mais je crois que il la met toujours en garde sur des choses, les dérives islamistes et tout. Et... Oui, il la protège. De... Oui, donc il y a quand même un message finalement un peu plus qui est un peu plus et sur puis, le fond. Quoi. Il y a une partie qui traite de la guerre d'Algérie. En plus, oui, donc qui a un passage assez dur. Ben oui, Pascal, une première réaction ? Oui, j'avais une réaction en pensant justement un peu à ce que j'ai vécu dans ma vie. En fait, un père qui dit « va te marier avec un chrétien et puis méfie-toi d'islamistes », j'en ai pas connu encore. Non, mais c'était plutôt l'inverse. Il était contre le Gus, il était contre tous les hommes qui approchaient sa fille. Et j'ai connu une fille qui s'était convertie donc à l'islam et elle avait changé de prénom. Elle s'appelait pas Myriam, mais Mariam en fait. Ah, Mariam. D'accord. Oui, il y a des exemples. Hein. Enfin, moi j'en ai connu. Myriam. Moi, en fait, j'ai l'impression que c'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est drôle. Oui. Mais on a l'impression que c'est profond aussi. Oui, il y a une ambivalence entre la légèreté et la profondeur. La réalité et le rêve. Et le rêve, je trouve c'est beau. C'est très poétique. Comme métier, Mohamed, il est artificier. Il fait c'est original. Donc il est dans les paillettes, dans le rêve, dans le spectacle un peu. Et puis il apprend le métier à son futur gendre. Quoi. Et Segundino, qu'est-ce que t'en penses ? Ça t'inspire ? Bah oui, ça doit être rigolo, assez rigolo à lire, mais comme tu dis, la fin, c'est pas au comment dire, comme la fin est en demi-teinte, quoi. Elle est ni joyeuse ni triste, mais ça finit. Est-ce qu'il y a une fin finalement? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une fin? Est-ce qu'on n'est pas après dans l'imaginaire de s'inventer une suite chaque lecteur? Et je trouve c'est très cinématographique aussi comme écriture. Moi je m'imaginais un film et j'ai vu que sur internet qu'un film existe d'après ce bouquin. Ah, il y a déjà eu une adaptation en 2002, alors. D'accord. Mais en France, un film qui a été fait en France. Moi je voulais demander Dominique s'il y avait beaucoup de mots arabes. Parce qu'en fait, en France, enfin en Europe, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe, comme le flouze. Oui, ben il a un argot français, arabe. C'est un plus, Oui, ça se passe à Toulon. À Paris. Paris, la fille est à Toulon. Ça a l'air sympa. Donc tu nous le recommandes, alors. Oui, une bonne lecture. Une bonne lecture, alors. Elle devient... On dit capitaine de bateau ou... Non. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Elle a failli, et puis elle a bifurqué par la religion, et puis elle revient à la raison de son père. La religion, son rêve. Non, ça lui donne l'impression que ça peut régenter sa vie, quoi, que ça peut. Donc l'aider. Elle est heureuse à un moment avec ça, puis après elle se rend compte. Vu les circonstances qu'on lui révèle à la fin. Je comprends. Mais c'est vrai que ça inspire un sujet plus large de se dire que finalement, les ethnies, les religions ne sont pas forcément des obstacles aux rencontres, aux liens, à créer des histoires entre les gens. Et il y a du... Ça donne de l'espoir. De l'antagonisme aussi entre les personnes, de personnes qui ne se ressemblent pas forcément, peuvent être attirées l'une envers l'autre. Et ça, c'est les mystères de l'humain et de l'émotionnel. Et de l'amour. Et de l'amour aussi, qui fait partie des palettes l'amour émotionnelles. Il y a une phrase de Confucius qui dit que les hommes, en fait, naissent pareils, c'est la vie qui les change. Tout le monde est identique, c'est la vie qui fait qu'on prend des parcours différents. Discute. Qu'est-ce que vous en pensez? L'éducation. Je ne sais pas si on est tous pareils. L'éducation, on a tous la même, alors c'est peut-être là qu'on est tous pareils. Non, on n'a pas tous la même éducation, non, je ne suis pas d'accord. Peut-être les bourgeois ont une éducation différente des prolétaires, mais dans le fond, on a la même. Biologiquement, qu'est-ce qui te fait dire qu'on a la même? Dans les choses essentielles, tenir une fourchette, manger, apprendre à être autonome en tant qu'enfant, jusqu'à un certain âge, on va t'inculquer ça. Aller à l'école, apprendre comme tout le monde à lire et à écrire. Certains, après, s'en sortent mieux que d'autres. Puis après, c'est une division. Après, ouais. Les chemins. Oui, mais là, tu restes dans un exemple occidental, c'est-à-dire on reste dans notre pays et on compare nos éducations respectives. Mais là, le livre, lui, il est plus large que ça. Il va aussi sur des ethnies, des religions différentes, des pays étrangers. Une fourchette en Afrique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Enfin, voilà, les modes de vie sont différents. Et pourtant, il y a des histoires d'amour, il y a des rencontres, il y a des liens humanitaires, même à travers l'humanitaire, qui ont pu se créer. Moi, j'en ai des exemples autour de moi. Moi aussi, j'ai une histoire. Une très belle histoire avec quelqu'un qui était roumain. Ben voilà. Et c'était. Voilà, c'était. Alors que là, on est dans deux pays différents, qui sont éloignés quand même de 2500 kilomètres. Oui. Et c'est vrai que les modes de vie, l'éducation, ne sont pas forcément les mêmes à la base. Et il y a un grand-père dans le livre qui est à Verdun. Parce qu'il se retrouve là... À la Grande Guerre alors. Oui, à la guerre de 14. Et puis, il a un fils. Et puis, il a vraiment typé maghrébin. Mais il devient raciste. Il devient Front National. Parce que... Puis, il part de la choucroute mosellane. Oh là là Et puis, c'est peut-être un bouquin qui a cette ambition-là, en fait, de montrer que, justement, on peut se lier tous les uns aux autres, au-delà des religions, des ethnies, parce que il y a toute la partie émotionnelle aussi. C'est peut-être visionnaire d'une comment dire, visionnaire d'un avenir. D'un métissage. Il faut espérer, Les, que tout s'imbrique. Ouais. Tout s'imbrique et c'est peut-être, je voulais dire, une vision vraiment visionnaire de ce que risque d'être l'avenir, les politiques et tout ce qui va avec, et les économies. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote. Un jour, j'attendais le bus, c'était pour Pâques. Donc, c'est un mouvement religieux, un peu, chez les chrétiens. Et en fait, je me suis fait agresser par un maghrébin, mais pas physiquement. Il m'a agressé verbalement. Il voulait une cigarette, je lui ai donné. Puis, il a commencé à s'énerver contre moi. Oui, de toute façon, tu comprends rien, t'as pas les mêmes problèmes que j'ai. Moi, je suis en France, j'ai pas de travail. Non, mais attends, je te coupe. Et on a fini dans les bras. Il y avait pas de problème entre vous quand il t'a abordé. Il n'y avait pas une prédiscussion déjà. Absolument pas. Donc, en fait, il a eu un comportement gratuit d'agressivité, alors que toi, en plus, t'étais dans une empathie puisque tu lui as donné une cigarette. Donc, c'est parti de rien au départ. Oui. Et en fait, il m'arrive des choses comme ça, je laisse couler. Et le voilà parti vers son bus. Puis tout d'un coup, il revient vers moi et il me dit « Mademoiselle, je suis désolée, je vous ai crié dessus, mais c'est pas votre faute. Parce que je lui avais dit « Ouais, de toute façon, j'ai lâche. Enfin, je vais pas partager ma vie personnelle, mais j'ai pas plus de sous que vous, quoi. » Et je me suis énervée. Et il est revenu en s'excusant. Et... quand on a rediscuté et quand son bus est venu, on s'est pris dans les bras et il est parti, il est monté. Oui, mais alors pourquoi cette agressivité spontanée qu'il a eue envers toi? Je sais pas. Au départ, t'as essayé de comprendre après ou d'en rediscuter avec lui? Ouais, je me dis qu'il était dans un état comme ça. Il était peut-être pas en pleine possession de ses moyens, il était peut-être fatigué ou peut-être il venait peut-être. D'avoir quelque chose qui l'avait contrarié. Tout mais ça, c'est une belle rencontre aussi parce que finalement... On s'est tombé dans les bras, puis on s'est dit au revoir, quoi. Oui, donc il y a eu après une complicité émotionnelle qui s'est créée, mais qui est partie quand même d'un clash au départ, quoi. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, d'une mésentente. Et ça rejoint le livre de Dominique dans la rencontre avec des personnes, en fait, qui ne nous ressemblent pas du tout. Comme quoi l'émotionnel est important. Oui. À prendre en compte, Pascal ? Après, auparavant, on parlait du métissage. C'est sûr que le métissage, ça serait un problème au racisme. Mais il ne faut pas oublier que, quand même, chaque peuple a son identité, a sa culture. Et le métissage, ça pourrait nuire à certaines cultures qui sont bien faites. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Oui, parce que bon, il y a le métissage entre deux personnes, ok, mais après, derrière la personne, il y a tout un univers, il y a tout un passé, il y a un passif aussi de vie, il y a une histoire, parce qu'il est attaché à son pays, il est rattaché aussi à son pays, à son éducation, à ses valeurs, donc c'est important quand même aussi de se dire, oui, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Mais c'est vrai que l'autre jour, on avait parlé de l'exposition des portraits du Tibet, que tu m'as gentiment emmené, Dominique, aller voir. Que je suis allée voir entre-temps aussi. Oui. Et c'est vrai que c'est une culture, effectivement, s'ils étaient métissés, est-ce qu'ils survivraient ? Parce que moi, je vois déjà dans les années 90, les Indiens, bon, il y en avait encore dans les réserves, mais les Indiens qui étaient en ville, il n'y en avait plus beaucoup, quoi. Je veux dire, ils disparaissaient. Toi, par exemple, Félicie, est-ce que tu serais capable, par amour, de quitter la France si tu tombais amoureux d'une personne, pour X raisons, qui vit dans un autre pays, avec une autre culture, avec une autre ethnie aussi ? Si c'est un bel Indien. Est-ce que t'en serais capable, toi ? Non, parce qu'il y a ma maman qui compte énormément. Ouais. Mais sinon, si j'étais toute seule et que je tombe vraiment amoureuse, surtout d'un Indien... Mmh. Pourquoi un Indien ? Je ne sais pas. Un Indien d'Amérique ou un Indien d'Amérique. Un Indien d'Amérique, oui. Ou alors mon roumain copain, là. Où je sais... Non, oui, peut-être. Je crois que je serais capable de... De quitter tes repères, de quitter la France. Je me méfierais quand même, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie. Et est-ce que tu serais capable aussi de lui demander de venir ? D'oser lui dire, est-ce que toi tu serais prêt à abandonner finalement ton pays d'origine pour venir vivre avec moi ? Si je sens qu'il serait d'accord, je vais lui demander, mais si je le sens pas, je lui demanderai pas. Parce que c'est dans un sens comme dans l'autre. Ça me rappelle une histoire. Ouais, c'est Gundino. Ce que tu racontes, ici. Ah bon. C'est un bouquin que j'ai lu sur un Indien d'Amérique, justement. Mm-hmm. Et cet Indien a été recruté durant la Première Guerre mondiale pour venir se battre au front français. Ouais. Et donc, il rencontre une infirmière parce qu'à un moment, il est blessé. Et il a un super pote qui, lui, est dans les communications. Et donc, il tombe amoureux de cette infirmière. Son pote, pareil. Puis après, il se divise parce que, ils s'en vont, il rentre chez soi. L'Indien a fait une petite fortune et puis son copain, il vit bien. Puis d'un coup, il est invité à une réunion des instances combattantes en France. Et puis, tu sais, il a le dollar. Hein. Alors, souvent, dans le bouquin, il sort sa liasse de dollars, il loue une DS-21. Ça se passe chez Pierre Casani dans les années 60. Si tu parles de DS-21, oui. Et il vient et... Il vient pour essayer de retrouver, il se dit, je vais essayer de retrouver cette infirmière. Et il se passe plein de trucs, mais il ne la retrouve pas, il apprend qu'elle est décédée par son copain. D'accord. Oui, d'accord. Hein. Qu'elle est morte. Et c'est quel, c'est quel livre, tu dis Je ne sais plus, je ne sais plus le titre. Je l'ai lu cet été. Pascal ? Ouais, tu disais que tu demandais à Félicie si elle était capable de partir dans un autre pays, en fait, parce qu'elle aime cette personne. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les femmes ont souvent beaucoup moins de liberté qu'elles en ont en France. Alors partir dans un pays où une femme a beaucoup moins de liberté et se retrouve avec un tchador, par exemple, je ne pense pas que ça soit tellement évident. Ah non, je crois que j'ai choisi. Oui, après, je posais la question d'une manière générale. D'ailleurs, je la pose à Dominique aussi. Enfin, Dominique, dans l'absolu. Est-ce que toi, tu aurais été capable de partir comme ça, par amour, et de quitter ton pays et de vivre complètement dans un autre pays, avec une autre ethnie, je suis pas tellement étonné de ta réponse. Te connaissant un peu. J'ai un peu voyagé, pour des périodes plus ou moins longues, mais même sans amour, partir changer de pays, on parlait par rapport à ça, mais ça peut être aussi... On n'est pas obligé d'être tenu par un amour. Ça peut être pour une autre raison, par raison professionnelle ou simplement par le fait qu'on aime bien voyager. On peut partir seul et rencontrer quelqu'un là-bas. Oui. Ça vous plaît comme idée Il faut avoir conscience quand même que quand on part dans un autre pays, il faut adopter la culture du pays. C'est ça. Oui. Et c'est pas toujours facile pour un Européen d'adopter une culture différente. Un pays qui me fait rêver, qui est aussi occidental, c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah, oui. J'aimerais, si je pouvais. Bon, après, il y a les dom-toms, il y a tout ça aussi qui sont. Ouais. On garde quand même les repères européens, mais. La Nouvelle-Calédonie. On est quand même, on a quand même cette sensation. Il y a une belle loin. Facette en vitrine dans ces dom-toms, comme vous dites. Mais il y a beaucoup de misère. Oui, c'est pas si évident que ça. C'est pas ce qu'on croit. Mais c'est vrai que moi, je serais plus à partir en voyage et à ce que le coup de foudre me tombe dessus, de trouver quelqu'un, tomber amoureuse de quelqu'un, tu vois, qui habite là-bas, quoi, qui est là-bas. Je pense que ça me... Bon, y a des exemples, hein, ça arrive. Hein. Tout existe avec les humains. Mais oui. Pascal ? Moi, je dis qu'il faut faire attention, parce que toi, c'est vrai, Dominique, t'es parti dans beaucoup de pays étrangers, mais t'es parti en tant que vacancière dans les pays étrangers. Tu n'y vis pas, tu ne sais pas exactement ce qu'il en est. Et souvent, c'est trompeur. Hein. Moi, je crois que c'est intéressant ce que tu soulèves, Pascal, parce que c'est vrai qu'entre aller visiter un pays en tant que touriste, même si on n'est pas dans un voyage hyper organisé et qu'on est là vraiment, on loue une voiture ou même on est un peu à l'aventure, un peu baroudeur, c'est vrai qu'entre aller 2 semaines, 3 semaines, 1 mois dans une région, même peut-être 6 mois, et de décider d'aller y vivre pour X raisons, il y a quand même une sacrée différence. Parce qu'après, c'est un mode de vie. Qu'on adopte. Et c'est peut-être là où ça peut être plus compliqué. Ouais, mais après, moi, ça dépend de la personnalité. J'ai fait un voyage en Espagne, je suis tombée amoureuse et ça changeait pas de culture puisque c'était un Liechtensteinais. Ah, ça c'est pas mal. Il était riche. C'est où Liechtenstein? Ça c'est pas mal. En Autriche. Royaume. C'est là, le royaume fiscal. Non, mais je veux dire, à la limite, la culture espagnole. Ah, ça c'est pas mal. La culture espagnole, d'ailleurs j'ai des origines, c'est peut-être pour ça. Mais je m'y intégrerai, je pense, peut-être plus facilement. Mais comme dit Pascal, c'est vrai que même en Espagne, les femmes n'ont pas tous les droits. Oui, après, l'Espagne, c'est encore très occidentalisé quand même. Je veux dire, c'est le pays voisin. Après, il y a effectivement des us et coutumes différents, mais c'est quand même encore. Ça ressemble quand même encore à la France. C'est très mystique là-bas. Bah, en France aussi. Hein. Si tu t'enfonces dans l'Espagne, comme tu t'enfonces ici dans une ville comme Remiremont, tu vas arriver dans un endroit, il ne faudra pas qu'on entende parler d'adultère ou de choses comme ça. Mais en France, ça existe encore. Ça dépend des générations, ça dépend. Ici, ça fait moins mal, ici, c'est beaucoup plus. Si les personnes souffrent, comme partout, ça fait un scandale, c'est des femmes battues parce qu'à mort ou assassinées même pour avoir commis l'adultère. Moins tranché que toi sur la question. Sans aller si loin. C'est comme ça. Hein. En Andalousie. Non, mais moi, je ne vois pas les choses comme ça, forcément. Sans aller si loin que ça, j'ai plusieurs exemples de personnes qui sont parties en Inde et en revenant, elles ont fait carrément un délire indien. Elles étaient complètement perturbées. J'en ai vu plusieurs. Hein. Oui, il y a une perte de repère totale, quoi, en fait. Mais même pour un voyage, moi, j'ai connu des personnes qui sont parties en Inde de 3 semaines, 1 mois. Et c'était un couple, et le monsieur a dû être rapatrié au bout de 2 jours parce qu'il avait une totale perte de repères. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à retrouver aucune occidentalisation visuelle autour de lui. Et il s'est retrouvé dans son hôtel enfermé, et il a développé des phobies instinctives et extrêmement spontanées. Qui l'ont complètement envahi, il a été pris de panique et il était vraiment très très mal. Il a dû être rapatrié par leur système d'assurance en catastrophe pour qu'il retrouve des bagnoles, quelque chose de repères. Voilà, de repères, parce que là c'est vrai, ils sont arrivés à Bénarès, il y a les crémations, une femme qui a couché dans la gare en plein milieu des voies devant tout le monde, puis des odeurs, des couleurs, une hygiène qui est peut-être pas la même, et ça l'a, des odeurs aussi, ça l'a complètement perturbé, quoi. Alors qu'il avait quand même, il s'était préparé pendant 18 mois. Avec sa compagne quand même pour ce voyage-là, avec des films, avec tout ça. Mais une fois qu'il a été vraiment confronté à la réalité, et en plus ils se sont chopés la tourista, ça a été vraiment, vraiment un échec total. Et il s'est dit plus jamais des pays comme ça. Quoi. Après, il a voyagé plus sur des pays comme les États-Unis, le Canada, où on retrouve peut-être il venait des similitudes avec des idées reçues ou. Non, je sais pas, perdu ça remonte à 20 ans. Hein, ouais. Il avait perdu ses repères et il arrivait dans un pays où il pensait c'est un pas peu ce que dit Pascal, pouvoir c'est ça, être possible que ça existe. Non, il ne pouvait plus supporter plus. Il fallait au bout de 3-4 jours, physiquement, mentalement, il était trop dépaysé. Et le dépaysement l'a anéanti, en fait. Il avait voyagé avant. Oui, mais pas dans des pays comme ça, aussi dépaysants. Donc il pensait avoir les réflexes d'autres pays. Et là, il a été cueilli. Quoi. Mon frère m'avait dit, j'étais allé au Maroc, il m'a dit, c'est un peu comme le Maroc. Ouais, mais ça dépend où tu vas. Si tu vas dans les grandes villes, peut-être que c'est civilisé. Mais si tu vas dans les campagnes, déjà, quand on voit ce qu'ils font à leurs filles, quand les familles indiennes ont des filles qui les jettent et qui les mettent carrément à la poubelle parce que ça devient compliqué, c'est vraiment dépaysant, à mon avis. Là, on est quand même dans un choc de culture, ne serait-ce que sur le culte de la mort en Inde, n'est absolument pas le même qu'en France, par exemple. Donc, il est évident, ici, nous, la mort, on la cache, elle est taboue, c'est quelque chose d'assez aseptisé. Alors sacré, que là-bas, c'est la mort. Fête. Oui, c'est... La mort, voilà, bon, oui, évidemment, ils ne sont pas non plus arriérés. Comme dit Pascal, dans les grandes villes, ça s'est un petit peu occidentalisé, mais enfin, quand même, c'est quand même des coutumes qui sont très. Et puis l'alimentation. C'est une façade. Hein. Pardon ? C'est une façade avec la misère qu'il y a. Voilà, oui, tout à fait. Alors, il y a cette misère aussi qui l'a littéralement. Alors la misère, c'est pas forcément la misère comme on l'a définie dans nos pays occidentaux. Mais une femme qui accouche, par exemple, en plein milieu de la gare de Benares, entre les voies, c'est pratiquement inimaginable chez nous. C'est des choses comme ça, mis bout à bout, qui l'ont complètement paralysée. Ah oui. Et le Pérou, c'est plus tranquille. Ça lui a tout gâché. C'est peut-être plus tranquille. C'est notre culture déjà. En ce moment, là-bas, en Amérique latine, ça va beau. C'est des chrétiens. Je ne sais pas si tu regardes les infos. Non. Le Venezuela, je crois, qui est vraiment en banqueroute totale. Ils émigrent partout. Ça fait un peu comme ici, les réfugiés. Il y en a qui sont refoulés. Hein. Ils vont de l'Argentine au Chili, au Pérou, partout. Ouais. Ils fuient leur pays. Je vous propose une première pause musicale. On pourra peut-être poursuivre ce débat ensuite avec Diams. Voilà, c'est un choix de Dominique. La boulette. Alors, ouais, je me la raconte. Ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. J'suis pas la mairie, j'suis qu'une artiste en devenir, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. J'ai le macar, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Je marche dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police, y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie, moi j'aime la rime et j'emmerde Marine. Juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'Al Capone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais. Comme un goût d'Afrique dans les caisses de la Francia. Comme un goût de Démédémago dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des Merco. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foule. non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est con, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Voilà, Diams, la boulette sur les ondes de Radio Gemozo. Nous sommes toujours avec Dominique, Félicie, Jean-Baptiste, Pascal et Segundino. Pour cette émission-là, on parlait en première partie avec Dominique de ce livre « Il était une fois, peut-être pas ». Et évidemment, on a débouché sur un débat sur eh bien, le brassage ethnique, le métissage et tout ce que ça peut comporter. Aussi peut-être comme avantage et inconvénient. Voilà. Vous avez peut-être quelque chose encore à ajouter sur ce thème-là, les uns ou les autres ? Non ? Ah bah alors on va passer tout de suite à la deuxième partie avec l'ami Félicie qui va nous parler d'un film de cinéma américain. Moi je voulais dire... Alors le titre en français c'est 12 hommes... En colère. Oui, peut-être, tu avais une parenthèse avant. Je pense que le métissage, ça se fera petit à petit, en bonne et due forme, petit à petit. Bon, c'est déjà bien, en France, en tout cas, c'est déjà bien toléré, bien accepté depuis quelques temps. Ouais. C'est multiethnique. Bon, enfin, bref. Alors, ce film américain, du cinéma, du cinoche avec Félicie. Oui, seulement du cinoche, il va falloir que j'en fasse, il faut que je trouve mes lunettes. Excusez-moi. Ah ouais, ça, les lunettes. Oui, je vais vous parler d'un film qui est passé il n'y a pas longtemps à la télévision. Vous pouvez le retrouver en médiathèque ou peut-être sur l'ordinateur en regardant le film en complet. Ça s'appelle « 12 hommes en colère ». C'est un film judiciaire, policier, dramatique américain de 1957. Donc, il n'est pas récent. D'accord. Mais à l'époque, c'était en 1957, quand le film a été fait. C'était pour la période contemporaine. 1957, hein, tu as dit. Hein. Donc noir et blanc ? Noir et blanc, exactement. Noir et blanc, hein, parce que dans une soixantaine d'années, film américain. Oui. Donc le réalisateur s'appelle Sidney, comme Sidney Pollack, sauf que ce n'est pas lui. C'est Sidney Lumet, L-U-M-E-T. Mm-hmm. Lumet. Sidney Lumet. Tu connais, tu connais plus que moi, finalement. Alors, c'est d'après l'œuvre originale de Reginald de Rose. Alors, il y a plein d'acteurs, mais le plus connu, c'est Henry Fonda. Ah oui. Sinon, il y a Lee G. Cobb, Ed Beckley, Jack Warden, Iggy Marshall. Mm-hmm. Enfin, je ne les ai pas tous notés parce que... Mais en tout cas, Henry Fonda, qui était un grand acteur. Une grande pointure, La famille. La famille Fonda, d'ailleurs. Hein, parce la famille, sa fille aussi, qui a une très belle carrière aussi. Jane Fonda. Alors voilà, je vais vous parler un peu du film, je ne vais pas être trop longue, vous pouvez me couper hein, quand il y a des problèmes ou des choses à dire. Alors explique-nous ce film. Alors, je l'ai expliqué un peu de façon simple au début, je raconte un peu ce qui se passe et puis après je vais mettre mon grain de sel dedans. Alors, et puis nous on te coupera, on posera des questions, on laissera aussi s'exprimer nos amis. Exactement. C'est un jeune homme d'origine modeste qui est accusé du meurtre de son père et qui risque la peine de mort. Le jury, donc on en vient à 12 hommes en colère, le jury composé de 12 hommes se retire pour délibérer. Donc là, il y a quelque chose d'important. Tout le film se passe en huis clos sur la même scène, celle de la salle de délibération. C'est-à-dire qu'on ne les verra même pas aller chercher un café ou... Tout est dans cette salle. Il procède immédiatement à un vote. 11 votes coupables, or la décision doit être prise à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut les 12. Le juré qui a voté non coupable est sommé de s'expliquer par les autres. De façon juste et précise, il va démonter l'accusation en montrant l'incohérence des faits sur lesquels elle s'appuie, donc cette accusation. Minutieusement, voire pernicieusement, un juré contre tous au début va devoir convaincre et pour cela partager sa propre conviction avec les autres jurés. Les débats vont bon train et les votes se succèdent. Le scénario du film sert de révélateur des motivations et des préjugés. C'est une apparence du film aussi. Le scénario du film sert de révélateur des motivations et des préjugés d'hommes issus de milieux différents. Il sert aussi de révélateur psychologique. Un jury éclate en sanglots car c'est son propre fils. Ce conflit avec son propre fils qu'il projetait dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a un conflit avec son fils et dans l'affaire, il va réagir d'une certaine façon. L'intérêt du film est moral, bien sûr, mais c'est aussi un très bon policier car au fil du film, tout se succède. Examen de l'arme du crime, témoignages qui tiennent ou non debout. Enfin, vraiment, c'est un bon policier où on a, comme dans un bon calcul bien. Non, dans un bon policier, toutes les thèses sont réabordées, tout ça. À un moment, l'ambiance électrique est à son comble et un juré dit à un autre « Je vais te tuer !» Cri qu'avait entendu une témoin du jeune à son père. C'est-à-dire que, soi-disant, quand le jeune a tué son père, il a crié à son père « Je vais te tuer !» Le juré riposte. Vous voyez, on peut dire ça sans le faire. C'est-à-dire, le juré va lui dire je vais te tuer. Et il va lui dire on peut le dire sans le faire. Mmh. Le gamin, il l'a peut-être dit, mais il ne l'a pas fait. Le premier exemple de cette course policière, enfin cette course aux éléments, est celui-ci. Le débat arrive sur le témoin auditif qui dit avoir entendu le garçon crier « Je vais te tuer » alors que le bruit du métro ne permettait pas de l'entendre. Donc c'est tous des éléments comme ça, des petits trucs qui vont démonter l'accusation. Au-delà de l'éthique... Mais n'importe qui comme juré. Comment ? On choisit un... Oui ? Permets-moi de... Vas-y. Permets-moi. Ouais. Je crois que dans les droits civiques... Dans les procédures judiciaires, quand il y a un jugement, des fois on fait appel à des jurés et oui. Les jurés sont choisis parmi au pif. Ouais. Après, le niveau intellectuel, tu sais, il est choisi pareil, hein, au pif. Hein, justement, j'en venais à lancer ce débat sur le fait des jurés. Alors attention, on va tout de suite mettre les choses au point quand même. Là, ça se passe il y a 60 ans, le film, et on est dans le droit américain. Oui. On est d'accord. Le droit français et le droit américain sont quand même assez différents. Non, oui, ouais. Mais au-delà de la peine de mort, il y avait la peine de mort il y a 50 ans encore en France, même 60 ans, parce qu'elle a été abolie en 81. Mais Segundino soulève quelque chose de très important, oui. Et c'est sur ça que je voulais justement... Attendez, ouais. Laisse-moi finir. Que je voulais justement lancer le débat, c'est sur le fait de la condition des jurés et de l'utilité des jurés. Après, nous, on est dans un droit français, mais après, il y a des similitudes quand même par rapport au droit américain. Mais c'est vrai que quelque part, ça pose finalement le problème de on peut tous se retrouver. Enfin, je crois qu'il faut être inscrit sur les listes électorales déjà pour pouvoir avoir peut-être la chance ou le risque d'être choisi au hasard. Il y a une enquête sociale quand même, ils prennent pas n'importe qui, il faut avoir un taf, je crois. Donc il y a quand même des conditions. Bon, moi j'ai toujours pensé que ça pourrait peut-être m'arriver un jour et je me suis dit mais si je me retrouve dans une cour d'assises, parce qu'attention, après il faut pouvoir prouver si on veut pas le faire qu'on a une maladie, qu'on ne peut pas, qu'on est invalidité, et qu'on peut pas forcément. Exactement, parce que c'est quand même quelque chose dont on nous impose, hein. C'est quelque chose qui est obligatoire à la base si on remplit les conditions. Oui. On n'a pas le droit de dire non, moi ça m'intéresse pas. Non, parce que là on se retrouve soi-même avec une plainte et une poursuite et une amende, et peut-être aussi ça peut aller plus loin. Et ensuite je crois que quand on est donc on devient juré pour une cour d'assises, eh bien on a aussi des conditions très draconiennes de secret d'instruction, même à son conjoint ou à sa conjointe, oui, ou à un proche, on n'a pas le droit et avis, parce qu'on signe une décharge, de parler de ce qui s'y dit, de ce qui s'y passe. Il y a un certain nombre d'informations qu'on a avec les magistrats, les juges, avec lesquels on va donc être en lien pendant cette instruction. On ne doit pas divulguer les choses. Donc c'est quelque chose d'extrêmement quand même rigoureux et très draconien. Et c'est vrai que ça peut être aussi... Moi, ça me soulève un autre problème aussi, on pourra peut-être en débattre. c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire nous on est des citoyens lambda qui sommes pas forcément connaisseurs et ouverts à tout ce qui est judiciaire et on se retrouve tout d'un coup au fait d'un drame et on doit juger une personne et peut-être la mettre en prison. Ce qui est quand même privé de liberté, donc en son acquis de conscience, exactement, quelque chose de très pesant psychologiquement. Exactement. Et en plus, il va falloir vivre tout le procès avec les images. Alors qu'on, je crois qu'on a le droit, je pense qu'on peut demander à ne pas voir des photos d'autopsie si on ne supporte pas ou des choses comme ça. Mmh. Mais enfin, pour se faire un jugement, il y a quand même, il faut un minimum quand même de connaissances, aussi bien photographiques et évidemment aussi des connaissances du dossier. Donc ça nous plonge pendant un certain temps hors de notre vie habituelle, à devoir tout d'un coup se retrouver à juger quelqu'un dont on ne connaît pas. Et après, il y a toute la partie émotionnelle, parce que nous, on n'est pas des professionnels en tant que jurés. Et ça peut être très compliqué à vivre. Il peut y avoir des dommages ensuite, par la suite, psychologiques, pour avoir déjà vu des reportages de gens qui avaient des dépressions après ou qui vivaient très mal l'après de cette expérience-là, voilà. Ouais. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il fallait peut-être dire. Alors, peut-être des réactions maintenant. Pascal, qui a... J'ai la liste des conditions, en fait, pour être juré. Il faut être citoyen français, donc en France, âgé de plus de 23 ans, inscrit sur liste électorale, et voilà, ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit à une peine de prison de plus de 6 mois. Voilà. Parce qu'en France, il y a deux styles. Il y a les assises et la correctionnelle. La correctionnelle, c'est pour les délits. Et au-dessus, c'est les assises, c'est pour les crimes, les meurtres et tout ça. Voilà, les grosses affaires. Et après, donc, c'est par convocation. Il y a un courrier. Tous les ans, les maires constituent une liste en tirant au sort les noms sur les listes électorales. Si votre nom est tiré au sort, vous recevrez un premier courrier. Donc déjà, tu sais si tu peux faire partie des jurés. Mais les gendarmes, ils viennent aussi, hein. Ils viennent nous prévenir. Hein. Alors, ça fait bizarre, quoi, déjà. Donc, après, il y a un deuxième courrier. Chaque tribunal tire ensuite au sort parmi les personnes figurant sur la liste. 35 jurés et 10 suppléants destinés à participer à la prochaine session d'assises. Si votre nom est à nouveau tiré, vous recevrez une convocation à votre domicile au moins 15 jours avant la session d'assises, sur laquelle figureront la date et l'heure à laquelle vous devez vous présenter. Vous ne pouvez, en principe, pas refuser d'être juré. Oui. Être c'est juré ce que je disais, est un voilà. devoir citoyen. Vous pouvez toutefois demander une dispense par courrier au président de la Cour si vous avez plus de 70 ans, si vous n'habitez pas dans le département où la Cour va siéger, si vous pouvez justifier, certificat médical ou attestation, d'un empêchement sérieux comme un problème de santé, un impératif professionnel ou familial. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais dit. Si votre dispense... C'est bien de l'énoncer, justement. Si votre dispense est rejetée, vous devez vous présenter à l'audience sous peine de devoir verser une amende de 3750 euros. Voilà, Ségondino. Je voudrais savoir, il y a des fois, c'est le procureur qui te juge, et il y a des fois, c'est des jurés. Je veux dire, ça, dans quelles conditions c'est ce que je te disais. Ouais, quand c'est en correctionnel, c'est un juge qui détermine la sentence. Quand c'est les assises, donc le correctionnel, c'est pour les délits, les petites bêtises. Ouais. Et quand c'est les assises, là, il y a un juré de 6 personnes. Okay. Voilà. Avec les suppléants, bien sûr. Félicie ? Alors, tout à l'heure, on parlait des métiers, justement, des jurés. Bah, c'est pas un métier. Non, mais... On se retrouve dans une fonction, à un moment donné, civique, entre guillemets. Le métier qu'ils exercent quand ils ne sont pas jurés. Ah oui ? Voilà, on parlait de ça tout à l'heure. Après, c'est monsieur, madame, tout le monde dans la vie. Vous pouvez regarder... oui, mais tu disais, Jean-Baptiste, que c'était assez hétéroclite. Et ça, ah ben oui, parce qu'ils prennent des gens de la société civile qui remplissent les conditions que j'ai rappelées, que Pascal nous vient de nous aussi. La preuve en est dans le Wikipédia de 12 hommes en colère. Mm-hmm. Il détaille tout, bon, il détaille trop les films, mais il vaut mieux en même temps. Les 12 jurés, ils mettent tout le nom des métiers qu'ils font. Oui, mais là, deux hommes en colère, c'est le droit français ou le droit américain? Mais c'est ça, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il y a quand même des différences. Moi, je connais moins tout le fonctionnement de la justice américaine. C'est le droit américain, il me semble, là, de deux hommes en colère. Hein. C'est le droit américain, donc on ne peut pas comparer. Mais après, moi, je peux élargir le débat, justement, comme j'ai fait, sur les jurés, la fonction des jurés, par rapport à notre pays à nous. Mais aux États-Unis, c'est peut-être différent, et en plus, c'est dans les années 50. Non, mais comme je le dis, le scénario du film sert de révélateur des motivations et des préjugés d'hommes. Ici, de milieux différents. Oui. Et dans Wikipédia, ils disent le premier juré, c'est le huitième juré qui est architecte, qui essaie de convaincre les autres. Il est architecte, le huitième juré. Et ils ont tous donc des métiers différents. Et sur Wikipédia, vous pouvez regarder les auditeurs, si ça vous intéresse, il y a tous les métiers de ces jurés qui sont là. Mais c'est monsieur tout le monde, en fait, que ça c'est soit... Ça. Bah, oui, exactement, oui. Après, ce qui est compliqué, je pense, en étant juré, c'est on doit faire appel à sa propre conviction personnelle, ouais, par rapport à ce qu'on ressent aussi, ce qu'on comprend du dossier, parce qu'on assiste donc à toutes les audiences. Ensuite, on est avec les juges hors audience où on discute, on est obligé de donner son avis, oui, très détaillé, d'argumenter aussi par rapport à ce que l'on comprend des faits. Est-ce que l'on en pense? Mais après, ça fait. Moi, je pense qu'il faut. Ce qui est compliqué, c'est de se défaire de toute émotion. C'est ce qui se passe. Et être neutre. C'est-à-dire, si on se retrouve, par exemple, pas en correctionnel, mais en assise, avec. Je me souviens du crime de Sofiane, là, il y a quelques années, en banlieue, qui ont été sauvagement poignardés avec son copain de 34 coups de couteau. Enfin, c'est quelque chose d'absolument odieux. Il suffit que tu aies des enfants du même âge. Tu te retrouves par rapport à un truc comme ça. Toi, tu n'es pas un professionnel, voilà, tu es là juré, tu n'as pas décidé de faire une carrière dans la justice. Tu n'es pas forcément... Si tu n'as pas la personnalité qui peut avoir un masque et couper toute émotion et être sur un terrain neutre, aussi bien par rapport aux victimes que par rapport aux... Donc la famille des victimes aussi, les victimes et la famille des victimes. Et aux faits. Et ceux qui sont... Pour l'instant, tant que le jugement n'est pas délibéré en présomption d'innocence, mais qui sont quand même accusés à la base, ouais, c'est pas évident, quoi, je veux dire, de rester, de perdre ses moyens, de craquer en pleine audience. Moi, c'est tout cet aspect-là que je trouve peut-être compliqué, selon les personnes. Tout ce que tu dis... C'est la différence entre objectivité et subjectivité, en fait. Voilà, Ce que tu dis, c'est dans le film. Oui, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que le film, il traite de ça. Et ça, qu'on soit en droit américain ou en droit français ou peu importe, on est tous des êtres humains et ça fonctionne pareil. Je l'ai vu, ce film, en fait. Et il y a, pendant les délibérations, c'est-à-dire que pendant que les jurés discutent, parce qu'il faut que ça soit à l'unanimité, il n'y avait pas réellement de preuves, en fait, pour qu'il soit condamné. Et comme il avait une tête de l'emploi, de méchant, donc il avait tous les jurés contre lui, sauf un, et tout le film se passe justement sur la délibération de cette personne qui est contre, qui est vraiment objectif et qui va prouver à tous les autres jurés qu'il n'est pas forcément coupable. Retrouver pendant 3 semaines X temps à être potentiellement dans la possibilité de mettre quelqu'un en taule pendant 20 ans, 25 ans, voire 30 ans incompressible, même si après il y a une deuxième instance, tout ça, des appels, machin, tout ça, enfin, tu as quand même une super responsabilité psychologique sur les épaules, même si tu n'es pas tout seul, parce que ta voix, elle porte, et donc c'est quelque chose, tu envoies quand même quelqu'un en taule, quoi. Alors imagine à l'époque de la peine de mort, alors après ça ouvre le débat de la peine de mort et tout ça. Donc avant 81, il y avait encore la guillotine en France, à ce que je sache, et là ça devait être encore certainement plus terrible. Si tu avais affaire à être juré dans une affaire criminelle, d'envoyer quelqu'un à la guillotine, quoi. Je crois que dans le droit français, les jurés déterminent si tu es coupable ou non coupable. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le juré qui détermine la sentence. Non, bien sûr, évidemment. Mais enfin, ils font peser la balance. Sinon, ils servent à rien. Donc, les magistrats, les juges d'instruction sont là aussi. Le juge qui détermine la sentence. Mais en fonction de quoi? En fonction de l'équipe de jurés aussi et de leur propre conviction eux-mêmes aussi. En tant que juge. Donc, si, t'as un poids quand même, je suis désolé. Ils ont quel poids, justement, les jurés? C'est une question que je me pose, Pascal. Les jurés, ils ont... Le poids de la culpabilité ou pas? Exactement. Voilà, ouais. Ça, c'est la réponse exacte. Il n'y a pas de pourcentage de choses après, comme ça. La sentence, non, ça doit être à l'unanimité. C'est l'unanimité, à l'unanimité. La sentence, c'est le procureur et le juge l'annonce. Non, mais je veux dire... Oui, complètement, encore logique. Les jurés, ils n'ont pas 23%, la cour... Les jurés déterminent si tu es coupable ou non coupable. Voilà. Point à la ligne. Mais ils n'interviennent pas pendant le procès. C'est-à-dire, verbalement, ils sont présents dans la salle d'audience, évidemment, mais ils doivent être neutres, c'est-à-dire qu'ils doivent ni laisser paraître au niveau des expressions du visage, quelles que soient préférences ou émotions passées, c'est ça qui est compliqué, et ils ne parlent pas, ils sont simplement consultés en dehors, avec l'équipe, évidemment, avec l'équipe des juges qui est en place. Mais c'est quand même le juge qui décide. C'est Gounino vient de te répondre. Il fait la sentence, le juge. Il détermine pas s'il est coupable ou non. Toi, t'es pas là à délibérer, t'as pas une robe, et puis t'es pas là, t'es pas un professionnel. Toi, tu restes en civil. C'est le procureur qui qui, comment dire, qui, en France, qui inflige la punition, et le juge l'annonce. Voilà. Et comme il annonce, y a une chose quand même qui est compliquée, surtout dans le droit américain, c'est qu'on le voit beaucoup dans les films avec des jugements, c'est quand il y a un avocat qui dit et que le juge détermine qu'il ne faut pas tenir compte de certaines paroles qui ont été entendues. Comment on ne peut pas tenir compte de ce qu'on a déjà entendu ? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Pascal, c'est vrai, c'est quelque chose de... C'est tes convictions personnelles, c'est ton ressenti. Ouais. Parce qu'en fait, un jugement, c'est quoi ? Il y a des preuves. Mais si tu as des affaires où les preuves ne sont pas tangibles, où il peut y avoir des zones d'ombre, comme certaines affaires, comme peut-être dans le film là, oui, ça devient beaucoup plus compliqué de se faire un avis tranché. C'est comme dans Donc après, ça fait appel à ton intime conviction personnelle de ce que tu as compris du dossier, de ce que tu as entendu, de ce que tu as ressenti, de ta capacité peut-être intuitive à avoir. Donc il y a toujours une marge de manœuvre et d'incertitude. Et c'est vrai qu'un jugement, s'il n'y a pas vraiment des preuves tangibles, c'est compliqué. Tu as tout compris au film, Jean-Baptiste. C'est tout à fait ça. Oui, mais le film traite, de toute façon, le film traite d'un sujet qui est quelque part beaucoup plus général. Ça fonctionne partout, de toute façon, comme ça. Un jugement, les jugements fonctionnent tous de la même manière. Il y a un certain nombre de preuves, il y a un dossier qui est constitué avec des preuves. Dans le film, l'accusation, les preuves, elles vont être démontées. Il y a des accusations, ensuite il y a des preuves, il y a des faits, il y a des vérifications, il y a des enquêtes. Oui, mais justement, dans le film, il va démonter l'accusation en montrant que les faits ne sont pas. C'est pour ça que ça devient compliqué. Et qu'après, je réponds à ta question en te disant c'est une histoire d'intime conviction personnelle. Enfin, en tout cas, que le juge a d'ailleurs aussi, le procureur, le juge l'ont aussi, puisqu'il donne leur délibéré ensuite. Enfin, au-delà de l'éthique, 12 hommes en colère était un très bon policier qui repose sur le doute et la conscience de la gravité des faits. Un film dense, c'est très dense. Il y a toujours une ambiance un peu électrique. Un film dense, intense, plein de rebondissements. Voilà, donc une ambiance de tension, quoi. Il a eu quand même l'Ours d'Or à Berlin en 57. Il y a eu d'autres distinctions, mais c'est moins. Locarno 57, mention spéciale. Mais c'est comme un film qui a eu un impact à l'époque, il y a 60 ans. Il a été nominé aux Oscars en 58. Bon, avec Henri Fonda en tête d'affiche, quand même. C'est porteur, quoi. Puis les acteurs sont merveilleux, même s'ils ne sont pas connus, ils jouent très très bien. Donc c'est un film que tu recommandes. Ah oui. Je voulais avoir ton avis, Dominique. Tu t'es pas trop prononcé sur même au-delà, tu peux être confronté. Bon, après, la justice, je le souhaite pas, mais quel est ton avis, toi, sur le fait des jurés? Les jurés, oui, je pense... Si tu te retrouves dans cette situation. Que ce soit... des gens professionnels, des gens qui soient à même de pouvoir porter un jugement. Pourquoi d'ailleurs tu trouves Je trouve on fait pas. D'ailleurs, c'est une question que tu soulèves en fait. Qui on est pour porter un jugement, et puis c'est une obligation. Mais justement, tu soulèves une question intéressante. C'est d'ailleurs pourquoi il y a cette tradition de faire appel à des gens de la société civile au hasard, pris comme ça dans la société. Comme les tribunaux de commerce, c'est des personnes. Pourquoi il y a cette tradition des commerçants? Parce que c'est une république. On vit dans une république. Ouais. C'est un juré populaire. C'est une loi qui date depuis quand ça? Oui. Tu vois déjà la révolution, les tribunaux, tu étais d'accord avec moi, Pascal, les tribunaux révolutionnaires entre Girondins, Jacobins, comment ça se passait? En fait, t'étais déjà condamné à aller au couteau, au rasoir national avant même, parce que de toute façon, on avait déjà décidé à ta place, ça a commencé, je pense, de là, de ce qui est né, de liberté, égalité, fraternité, la démocratie, tout ça. Alors qu'avant, ça pouvait être l'Église ou le roi qui décidait. C'était beaucoup l'Église, parce que quand tu sais que Richelieu, Mazarin ont quand même été quand même là, déterminés avec le roi à exécuter des gens. À l'époque-là, ils les pendaient, c'est après la Révolution française. Oui, il y avait l'écartèlement aussi, il y avait des trucs horribles. Ils ont décidé la guillotine après la Révolution. peut-être... La guillotine, oui, est née pendant la Révolution. Enfin, elle est née dans ces zones-là. Avant, c'était la pendaison, décapitation. Oui, tout à fait. Il y a eu l'écartèlement aussi. Enfin, donc, après. On ne sait pas. Non, mais c'est des sujets historiques, hein, l'histoire des exécutions. En fait, j'aurais dû chercher depuis quand existe les jurys. Oui, la guillotine, la guillotine existait déjà un peu avant, mais en France, oui, parce qu'elle existe en Angleterre aussi. Tu croises un pendu à un arbre promenant. Bon, après, ça soulève d'autres sujets qui sont peut-être. La justice, je la trouve violente et c'est pas un monde pour moi. Enfin, je voudrais pas être juré d'assises. Ouais, bon, bah, on te le souhaite. Moi aussi, remarque. Moi, je crois que je serais vraiment tendre. Je serais vraiment tendre. Oui, enfin, on sait pas. On n'est pas dans la situation. Ouais. On n'a pas l'affaire en face. Tu sais, il y a des choses qui sont très crapuleuses. Il y a des choses qui sont. C'est compliqué. De toute façon, c'est très compliqué. Ouais, c'est violent. Hein. Ouais. Oui, de toute façon. Alors, on se fait une deuxième. Oui, Pascal, un dernier. Vous savez, c'est quand la dernière condamnation à mort en France? C'est pas 1979? Ouais. Septembre 77. 77. Et c'était Ranucci. Non, Ranucci, c'était pas le dernier, mais c'était 77, dans ces zones-là aussi. Hein. 77, Ranucci, c'est le pullover rouge. Hein, ouais, il avait un livre. Et l'abolition de la peine de mort, c'est en 80. Oui, c'est Badinter et Mitterrand. C'est sous Mitterrand, c'est sous le premier mandat de Mitterrand, et c'est Robert Badinter, qui était ministre de la Justice, qui est un grand avocat aussi, qui a réussi à faire plier à pas beaucoup de voix. Badinter, il s'est manifesté. La réforme de l'abolition. À cause de l'affaire Ranucci, justement. Qui a été un fiasco total. Hein. Exact, et puis le peuple a réclamé sa peau, le juge l'aura donné. Et la maman de Ranucci, d'ailleurs, 25 ans, 30 ans plus tard, a réussi à réhabiliter l'honneur et l'innocence de son fils, mais hélas, bien trop tard. Quoi. Lui, il a été guillotiné. Puisque Giscard d'Estaing, c'était sous Giscard d'Estaing, je crois, Ranucci. Giscard d'Estaing a refusé la grâce. Alors, la dernière peine de mort, c'était en 77 ou en 81? 77, d'après ce que dit. Après, il faut savoir que la peine capitale en France, bon, on va peut-être pas développer le sujet là-dessus, n'était plus publique déjà depuis un certain nombre de décennies. Hein. Ça se passait dans les cours de prison. Hein. Ce n'était plus une exécution publique. Depuis 1948 ou quelque chose comme ça. Hein. Moi, je crois que. Ça s'est arrêté là, le côté public. Pardon, je suis contre la peine de mort parce que même on peut toujours se tromper, en fait, et condamner à mort quelqu'un qui n'a rien fait. Bien sûr. Il y a quelque chose de définitif. La prison, c'est dramatique, mais il y a quand même après un espoir, une possibilité que la personne se reconstruise. Je suis complètement d'accord. Bon, après, ça dépend des cas, c'est très très complexe. Mais c'est vrai que la peine de mort, moi, j'ai toujours été contre, finalement. Mais on a parce que je trouve que c'est répondre à la violence, au définitif, à quelque chose d'irréductible comme ça, de radical, par rapport à quelqu'un qui aurait commis, entre guillemets, un acte répréhensible de la même envergure, c'est la loi du talion, en fait, et je trouve ça absolument terrible et anti-éthique. Voilà. Mais après, c'est des sujets comme d'autres sujets qui sont complexes. Et en plus, on n'a pas le droit de disposer de la vie de quelqu'un, même selon ce qu'il a fait, c'est pas... Qu'il ait fait, on n'a pas le droit de disposer ouais, de la vie. En plus, la guillotine, c'est quelque chose de très violent. Le procédé qu'on avait, nous, en France, c'est de peine de mort, bon, tu me diras que ce soit une injection par l'étal, ou que ce soit l'électrocution, chaise électrique, c'est absolument horrible visuellement. La guillotine, c'est pas terrible non plus. Donc, ça ajoute encore. Mais après, l'exécution capitale en elle-même, la peine de mort, c'est quelque chose d'absolument. J'aurais honte aujourd'hui de vivre dans un pays où il y a encore une... C'est vrai, c'est quand même difficile d'être pour la peine de mort. Mais si ça t'arrive vraiment personnellement, si c'est tes enfants, par exemple, qu'on tue, est-ce que tu ne regarderais pas différemment? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un esprit de vengeance? Est-ce qu'on est quelqu'un de résilient, qui a une résilience en nous et qui serait capable de pardonner? Moi, quand je vois les parents, par exemple, de Maëlys, c'est impressionnant quand même. Ouais. Cette résilience et tout c'est ça. C'est incroyable. Je me souviens du médecin dont son gamin Nicolas Marseille avait été poignardé il y a quelques années. C'est un petit fait divers bête au début, puis le gamin, il a été vraiment assassiné, quoi. Il est mort de ses blessures pour une histoire de raquette. Et ben, le papa avait une résilience extraordinaire. Bon, après, on a un exemple plus... Alors là, on va dire, ah ben oui, là, c'est logique, c'est un pape, Jean-Paul II, qui avait pardonné plusieurs années après, qui était venu voir son assassin en prison, qui l'avait donc tenté de le tuer à Saint-Pierre-de-Rome. Il est allé en prison, il lui a pardonné quelques années après. Bon, après, c'était le pape, alors on dit oui, c'est normal, machin. Mais voilà, je pense que c'est un travail intérieur. C'est très difficile de répondre à ça. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans la religion, c'est normal, c'est ce que demande le catholicisme, c'est de pardonner. Oui, voilà. Ouais, ouais. Là, c'est normal, il y a un extraordinaire. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Mais quand t'es monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Tu vois le pape arriver et dire moi, je te pardonne pas. Ah non, ça serait antinomique, ça serait antinomique complètement. Comment c'est Kundino, j'ai pas compris. Le pape arriver comme ça, je te pardonne pas. Un dernier petit mot de Pascal et puis on se fait une pause musicale. Le fait de tuer quelqu'un ne ramène pas la personne que lui aurait tué. Oui, voilà, mais c'est pour ça que Badinter avait travaillé à l'époque, dans les années fin 70, début 80, sur toutes ces questions-là. Et bon, il y a eu la réforme qui a été en sa faveur. Bon, voilà. Alors, on va s'écouter une deuxième pause musicale sur Radio Gémozo. On est toujours ensemble jusqu'à 17h30. On va s'écouter Pearl Jam, donc choix de Félicie. Oui, parce qu'il est en colère. Voilà, à tout de suite. Pearl Jam, Hans, merci Félicie pour J'adore. Ce titre sur Radio Gémozo. Bah oui, on aime le rock aussi, ouais, hein, ça fait partie de l'univers musical de Radio Gémozo. Puis de la colère, comme les moments de colère. Comme bon. Il disait Once Upon a Time. Voilà, oui, ouais. Allez, on attaque la dernière ligne droite. J'ai écourté le sujet, effectivement, le titre. Pardon. On attaque la dernière ligne droite de Boomerang avec l'ami Segondino qui va nous parler d'une trilogie littéraire romanesque. Alors, on t'écoute. J'ai commencé par lire deux tomes de Brandon Sanderson. Alors, je peux vous dire, les amis qui nous écoutaient, que c'est des pavés. Hein. Oui, oui. C'est pas mal. Même moi, ça me fait un peu peur. C'est des sacrés pavés. Hein. C'est des parfums, même, je dirais, qu'il a dans les mains, Segundino. Ouais. Combien de tâches pour celui-là? Oui, je sais même pas. On n'atteint pas loin des 1000. Hein. Je mets un marque-page et puis je lis. Alors explique-moi tout. Donc, c'est une histoire qui se passe un peu dans un monde autre que la Terre, où l'humain n'est ni plus ni moins qu'un esclave. Il y a des esclaves, mais c'est encore pas humain. À moins que les humains, on les appelle les esclaves. Il y a beaucoup d'ethnies. Mmh. Et il y a un seigneur maître qui a un pouvoir immense et il est cruel comme tout. Alors, il tue des fois, il décapite sur la place publique, tout le monde voit le sang. Ah bah ça continue dans le même sujet, c'est bien, c'est raccord. C'est horrible. Et il existe un révolutionnaire qui s'appelle Kelsier dans le film, dans le livre. Un révolutionnaire, et il est sans foi ni loi. Il a été pendant je ne sais pas combien d'années dans un puits avec sa femme et ses enfants, il a perdu ses enfants, donc il est en quête de vengeance. Il a réussi à s'enfuir du puits, et il est en quête de vengeance. Et il rencontre l'héroïne, ce qui va être l'héroïne des deux premiers tomes, une gamine de 15-16 ans, qui vit avec une bande de voleurs organisés. Ah ouais. Parce qu'il y a une misère comme pas possible. Hein. Mais ça se passe dans un futur Dans ce monde-là... Mais ça se passe dans un futur? On est dans un futur lointain? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment, c'est dans un autre monde. Le soir, il y a des brumes. Ouais. Il y a des brumes. Tous les soirs, il y a des brumes. Et... il y a des cendres qui tombent. Donc, on peut imaginer qu'il y a des éruptions volcaniques très loin et que les vents amènent des cendres. Alors, ils se protègent des cendres, ils ont toujours des cendres qui tombent. Donc, on voit c'est un monde volcanique, mais eux ne voient forcément pas les volcans. Ils ne connaissent pas le monde comme nous, quoi. Mmh. Ouais, c'est pas la même vision. Et donc, il y a des gens qui ont des pouvoirs, des pouvoirs allomantiques, qu'ils appellent ça. Ils brûlent des aciers dans leur estomac et ça leur donne une force surnaturelle. Alors, selon les mélanges d'aciers qu'ils ingurgitent, ils ont un pouvoir surnaturel. Et il y en a qui arrivent à détecter ce champ-là. Oh. Et donc, le héros, au départ, celui qui veut tuer le Seigneur Maître, que le Seigneur Maître n'arrive pas à attraper, mais qui le guette. Il voit Vin qui est l'héroïne, qui va devenir l'héroïne, et il commence à la former, à l'allomancie. Et l'allomancie, elle te permet, par exemple, de par une pulsion sur de l'acier, de faire un saut. Il y a plein de personnages comme ça. Il y a le pouvoir allomantique et le pouvoir ferromantique. Alors, c'est quoi la différence? Le ferromantique, ils peuvent changer leur cerveau d'acier. D'accord. Le cuivre sert, par exemple, à emmagasiner la mémoire, à remplir les mémoires. Ça, c'est pour des gens, par exemple, comme un qu'ils appellent Sazed, qui emmagasine le savoir pour le perpétuer. Et en même temps qu'il y a l'histoire, il y a une étude des religions. Il y en a un qui fait une étude des religions pour savoir comment a commencé tout cela. Pourquoi le maître? Donc, il découvre que le maître s'appelle Rachek et qu'il a pris le pouvoir dans un ordre non interdit. Mm-hmm. Il ne devait pas prendre le pouvoir. Et il y a une histoire d'amour naissante entre Vin et un bourgeois. Elle se déguise, Kelsier, qui est le héros, en fait une espionne. Donc, elle met des belles robes, elle va aux soirées mondaines, et elle s'y plaît. Et elle tombe amoureuse d'un bourgeois, mais le bourgeois, c'est un révolutionnaire. Donc, il y a quand même une civilisation. Il y a une civilisation. Il y a une organisation. Oui, il y a une organisation, oui. Mmh. Il y a une civilisation. T'as les aristocratiques, et t'as les aristocrates, et tu as les ska qui sont leurs esclaves. Les Thérisiens aussi. Mais c'est marrant ce que tu me décris, ça me fait penser au Morlock dans La Machine à remonter le temps un petit peu. Attends. Il y a un peu des similitudes comme ça. Il y a des individus comme les Candras. Les Candras, ils mangent leur un cadavre. Ah ouais, c'est comme les Morlocks. Ils sont capables de, en récupérant leurs os, prendre leur apparence. Ouais, on est vraiment là dans la science-fiction. Dans... Ouais. Oh, moi, ça me plaît bien. Ah ouais, là, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ouais. Et il y a aussi les... Attends. On est complètement dans quelque chose de science-fiction. Ouais, quoi, On les appelle les... Il y a un lexique pour... Je cherche justement... Il y en a un, les gens des brumes, ceux qui ont un pouvoir allomantique... sont les gens des brumes, les brumants. Non, pas les brumants, les gens des brumes. C'est-à-dire, généralement, ils ne sortent que la nuit, pas être vus. Et, c'est bien les... Elle fait plein de vacheries. Ils font plein de vacheries aux bourgeois parce qu'il y a... Kelsey, il a un secret. Il a il sait qu'il y a un acier qui te rend plus fort que tout, qui te fait voir à l'avance... le coup que va faire l'adversaire. Ouais. Donc, cet acier, c'est l'athium. Mmh. C'est un acier qui existe, je crois. Hein. Mmh. L'athium. Oui. C'est un acier radioactif. Mais l'incurgite, sous quelle forme ? Liquide ou alors... Donc, en fusion, alors. Leur estomac le brûle. Oui, mais s'il l'incurgite d'une manière liquide, c'est qu'il est en fusion. Tantôt liquide. Alors après, on est dans l'irrationnel. Alors peut-être qu'on peut imaginer un autre état de matière. Ils n'expliquent pas ça vraiment. D'accord. Bien. C'est ton imaginaire, quoi. Exact, en fait. Ouais. Voilà. Mais ça me fait penser à la société des Morlocks dans La Machine à remonter le temps de H.G. Wells. Il y avait un film qui avait été fait d'ailleurs, enfin il y en a plusieurs qui ont été faits, mais il y en avait un qui avait été fait. Quand, ce film, 1960. 1960. Et justement, mais lui il va dans le futur, il a inventé une machine à remonter le temps. Il va dans le futur parce que il est en 1899 en fait. Oui. Et il y a une soirée de la Saint-Sylvestre avec ses amis. Il est horloger, bijoutier, ouais, surtout horloger. Il collectionne. Voilà. Et ça se passe donc en Angleterre. Et il a inventé cette machine à remonter le temps dans son atelier et il décide de l'essayer. Et il commence un peu à accélérer et il monte de quelques heures, quelques jours. Et après, il va monter des millions et des millions d'années en avant et tout ça. Alors, il va y avoir des époques où il sera enseveli sous la lave qui va se refroidir. Il va voir toute l'évolution, en fait, du futur qu'il n'aurait jamais vu, lui, en tant qu'humain. Mmh. Et il va rencontrer... Mais il reste toujours sur le même lieu d'origine, en fait. Et à un moment donné, il se retrouve plusieurs centaines de millions d'années en avant. Et là, il s'arrête... Et là, il se retrouve dans un décor avec une végétation qui n'a plus rien à voir du tout avec Londres, avec le quartier où il était. Et pourtant, il est au même endroit que sa maison. Hein. Ah. Et là, il entend une sirène et il voit des gens qui se dirigent tous vers un même endroit. Et c'est des gens, ils sont robotisés, quoi. Ils sont complètement... Oui. Ils sont, les filles sont en petit pagne, les hommes sont torse nus, mais c'est extrêmement... Ils ont une image glacée, ils sont neutres, ils n'ont plus d'émotion du tout, ouais. Ni visuelle, ni intérieure. Il y en a une qui se noie, il la laisse se noyer, personne ne réagit, il mange des fruits. Et lui, il rencontre une nana qui va devenir sa chérie. Il tombe complètement amoureux d'elle et il arrive à la resensibiliser par l'amour, à lui redonner un côté humain. Ouais. Et là, il va comprendre dans la société dans laquelle il se retrouve. C'est peut-être par l'acte qui lui fait... Voilà. Et là, il y a une société parallèle de créatures qui, elles, n'ont pas évolué de la même manière et qui vivent sous terre, qui ont un aspect d'homme préhistorique avec des longs poils. Bon, après, ça, c'est les images un peu kitsch. Voilà. Et qui cherchent finalement, et qui se nourrissent de ces gens-là. Et qui vivent sous terre, donc dans des espèces de comme des puits de termites, mais ils ont horreur de la lumière, ils supportent pas la lumière du jour et le feu. D'accord. Et ça les détruit dès qu'ils ont ça devant eux. Et lui va, tout le film va devoir les combattre et puis de ramener sa belle dans son époque. Mais le problème, c'est qu'entre temps, il y a une partie des Morlocks qui ont tiré sa machine dans le temple et donc elle est plus au même endroit. Donc lui, il arrive quand même à la retrouver, je ne sais plus comment il se débrouille, et il repart dans son époque, mais la machine, elle est à l'extérieur en plein hiver de son atelier, puisqu'elle a été décalée dans le futur, en revenant dans le passé. Et il revient là, et finalement, il n'a plus cet amour avec lui. Et il retombe un petit peu en 1899, avec ses potes et tout ça, et puis ça ne lui plaît pas. Alors il décide de repartir là-bas. Mais il y a des similitudes dans ce que tu dis. Je voulais dire, il y a des personnages comme des inquisiteurs d'acier. Ils ont des pointes comme ça d'acier sur des yeux. Oh, c'est génial, avec, ça, moi j'adore. Avec, alors, je me vois dessiner un personnage comme ça, je vois pas trop. Et puis ça part comme ça en arrière. Et ils sont terribles parce qu'ils sont imbattables. Et le premier qui en tue un, c'est justement Kelsey, le héros. Il en tue un, mais il se fait tuer par le Seigneur Maître. Mmh. Le Seigneur Maître, lui, il est immortel. On le croit immortel, mais dans le deuxième tome, lors d'une bagarre, dans le premier tome, lors d'une bagarre, Vin, qui était déjà bien formé en allomancie, réussit à le tuer. Mmh. Réussit à le tuer et avec l'aide d'un coup de peau aussi, elle devient un peu une héroïne. On fait plus attention à elle et par hasard, son amoureux devient roi. D'accord. Lui n'est pas le bagarreur, mais elle le protège. Alors, on va peut-être laisser Ségonino réagir à tes propos, Pascal. Oui, j'ai recherché ce que tu voulais dire allomancie. Et l'allomancie, en fait, ça vient du grec allo, qui veut dire sel, et mantella, divination. L'allomancie, c'est un peu comme l'adromancie, c'est un art divinatoire. Donc, ça n'a pas trop à voir avec l'acier. Oui, mais ça n'a pas à voir avec l'acier. Voilà, c'est peut-être. C'est dans le livre. Hein, c'est l'art de divination avec le sel. Mais le mot existe réellement. Ouais, mm-hmm. Ben, c'est comme les aciers qu'ils utilisent. Ils utilisent de l'étain. À un moment, ils disent elle se met à brûler de l'étain pour voir un peu clair, pour entendre mieux dans la nuit. Ouais. Tu vois, elle a toujours un coup d'avance sur un éventuel ennemi. Peut-être une réaction de Félicie ? Oui, ça me fait penser à une idée comme ça, peut-être pas très intéressante, mais toutes les civilisations ont eu leur ce qui les a décimées. Comme les Romains, ils sont morts par le plomb, ils buvaient dans des cruches en plomb. Ah oui, ils faisaient la tuyauterie en plomb. Oui, la tuyauterie en plomb. Ça me fait penser, le saturnisme. Oui, le saturnisme. Mmh. Oui. Bah, qui a été encore dans les peintures dans les années 50-60. Il y avait du plomb dans les peintures, et quand les peintures se dégradaient sur les murs, il y avait des cas de saturnisme dans les maisons insalubres. Hein. Les peintres séchaient les doigts et sont morts beaucoup, sont morts de ça. Et ça me fait penser justement à tes nourritures d'acier. Oui, c'est vrai, on peut faire un parallèle, c'est vrai. Ouais. Et Dominique, peut-être une réaction sur toi qui aimes beaucoup la lecture. Ça t'inspire peut-être de découvrir cette trilogie ? Quelquefois, je me suis laissée tenter par de la science-fiction, mais je préfère quand même les choses assez réalistes. Ouais, t'es plus dans des histoires humaines, des romanesques quand même. Psychologiques, ouais, oui. Ouais. Là, on a affaire à un pavé là sur celui que t'as, donc ça, je sais pas lequel t'en sais, le héros des siècles. C'est le dernier. Là, c'est le dernier, donc le troisième. Là, donc. Ouais, on est sur 700 pages hein, pratiquement, hein, donc. Mais ça a l'air d'être passionnant. C'est quoi. J'ai un rêve aussi, c'est de lire Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, en dehors des films que j'ai vus. À ne pas confondre avec Le Silence. Le silence des agneaux. Voilà, attention, c'est deux choses différentes. Mon rêve, c'est de lire... Le Seigneur des Anneaux, Le Silence des Agneaux. Il y a toujours une confusion. Mon rêve, c'est de lire Belle du Seigneur. J'ai jamais réussi à le terminer, comme Feu pâle de Nabokov. Tu me l'as passé, il faut que je te le redonne. Pourtant, Belle du Seigneur, c'est un pavé. J'arrive pas à le lire, ça peut être compréhensible. Je reviens toujours en arrière. Ouais. Et Nabokov, c'est un tout petit livre, mais il est tellement compliqué. Ouais. Mais il faudrait que je me remette à lire ce que j'aimais bien, Dostoïevski... Mais ouais, ça pourrait faire peut-être est-ce que ça n'a pas été déjà fait en série télévisée ou en film même pas, il y aurait peut-être une adaptation qui serait c'est curieux pas, que ça n'a jamais c'est été pas mentionné, je vois pas, c'est peut-être ouais c'est pas mentionné je me rappelle j'ai pas bien compris le titre du livre en fait c'est une trilogie en fait Pascal il y a trois livres avec trois titres j'ai donné les trois titres parce que moi rappelle-les pour nos amis aussi si ça les intéresse peut-être je les ai pas en tête. Toi, tu les as eus à la médiathèque de Remiremont. Oui, oui. D'accord. Mais quand on est porté par une histoire comme ça, ça doit être génial. Franchement, là, ça m'emballe. Ouais. Bon, c'est sûr que les pavés, quand tu vois la taille des bouquins, il y en a trois. Il y a quoi ? Il y a 2000 pages sur les trois bouquins, quoi, en fait, si on les totalise. Ouais. Mais à mon avis, ça doit te faire décoller, ça doit te dépayser complètement. Surtout pour peu que tu aies un imaginaire un peu développé, ce qui est mon cas. Faut pas retomber Après, tout doit te paraître un peu nul, quoi, autour. Ils ont des pouvoirs d'apaiser émotionnellement. Les gens. Il y en a qui s'en rendent compte. Ils disent tout de suite, ne cherche pas à jouer à m'apaiser. Ils se lancent des pics comme ça, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Ils se défient, quoi. Des fois, c'est douteux d'apaiser quelqu'un. Ouais, de dire que tu as un pouvoir sur l'autre. Quoi. Rappelle-nous les trois titres, alors. Les trois titres. Le premier, c'est L'Ultime Empire. Mm-hmm. Le deuxième, c'est Le Puits de l'Ascension. Et le troisième, c'est Le Héros des siècles. En plus des titres super évocateurs. Enfin, ça donne place à l'imaginaire. Il y en a un qui fait une étude de 300 ou 400 religions pour savoir où est la vérité. Et en fait, il s'aperçoit dans la fin du deuxième que la vérité, il n'y a pas de religion et que... après, c'est... Comment dire? Il faut lire pour comprendre. Oui, voilà, ouais. En tout cas, tu nous as donné l'envie. C'est vrai que c'est, j'espère, à nos auditeurs qui nous écoutent aussi, parce que ça a l'air vraiment d'être une sacrée œuvre, en tout cas, de science-fiction. On peut appeler ça de la science-fiction, enfin, on peut... Oui, c'est de la science-fiction. Anticipation, science-fiction. Ouais. L'auteur, c'est... Tu peux nous rappeler l'auteur, s'il te plaît? Brandon Sanderson. Voilà. D'accord, ok. Allez, je vous propose une troisième pause musicale et on finira par le calendrier des films en salle de notre amie Félicie. On s'écoute, allez, on remonte un petit peu le temps avec l'époque disco, avec les Sister Sledge, Lost in Music. Thank you. Voilà, allez, de la funky, du disco sur les ondes de Radio Gamozo. C'est pas si c'est courant d'ailleurs. Ouais, mais ça fait du bien. Hein. Ouais, les Sister Sledge avec Lost in Music, un titre emblématique de leur carrière. Alors, on va enchaîner deux, trois minutes avant de refermer cette page de Boomerang avec toi, Félicie, pour nous donner un petit peu les sorties de salles de cinéma, de films, sur Remiremont. Je vais faire au plus court. Le premier, c'est Le Grand Bain, qui est une comédie dramatique de Gilles Lellouche. J'ai vu une bande-annonce, des gens qui font de la natation synchronisée, des hommes. Le Flic de Belleville, c'est une comédie policière de Rachid Bouchareb, qui est quand même bien connu comme réalisateur. Il y a Fortuna, un drame de Germinal Rouault. C'est un film suisse et belge, donc c'est peut-être intéressant. Il y a Venom, c'est un film de science-fiction avec... de Rupert Fleischer. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il y a Le Jeu. C'est une comédie de Fred Cavaillé avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément. C'est une comédie. Il y a La Prophétie de l'Horloge. C'est un film fantastique. Donc, c'est peut-être la machine à remonter le temps quelque part. Aussi, La Prophétie de l'Horloge. Il y a Alad 2. C'est une comédie de Lionel Scripté avec Kev Adams, Jamais debout. Donc, je sais pas si c'est Aladdin ou. Si c'est ça. Il y a une grosse promo qui a été faite. Il y a Yeti et compagnie, un film d'animation de Kere Kitpatrick. Ça, c'est pour les enfants, je pense. Et il y a Dilili à Paris. C'est aussi un film d'animation de Michel Oslo. Qui a fait Kirikou et la sorcière et Azur et Asmar. Vaste choix pour nos amis, pour nous tous, pour aller se divertir au cinéma, surtout que les jours deviennent gris. Ça y est, là, cette fois-ci, le temps d'automne apparaît, on va changer d'horaire, effectivement, Dominique, donc ce sera peut-être justement le plaisir d'aller un peu plus au cinéma. Ouais. Voilà. Il y a toujours des abonnements, des moyens quand même de pouvoir fréquenter les salles dans le coin. Dernier mot, ouais, Pascal, tu voulais dire quelque chose? Oui, tu as oublié de dire que le Flic de Belleville, c'est avec Omar Sy. J'ai vu. À préciser, voilà. C'est le principal. Moi, le film que j'attends, c'est Bohemian Rhapsody, c'est une sur le groupe Queen. Ah ouais. Freddie Mercury. Il n'y a pas eu encore de film sur ce groupe, et là, je l'attends vraiment avec impatience, qui sera à la fin du mois, je crois. Oui, qui sort le 31 octobre. Moi, j'attends First Man. Bizarrement, je ne suis pas très science-fiction, mais j'attends un peu First Man. Mais il y aura des choses prochainement qui vont changer. Bon, écoutez, rendez-vous au cinéma et vous trouverez toutes les infos. Ouais, de toute façon, il y a l'air d'avoir quand même du choix. Ouais. Voilà, il est temps de refermer cette page, cette édition de Boomerang. On se retrouve dans 15 jours. Sachez que cette émission sera rediffusée mardi à partir de 9h. Et puis, vous la trouvez pendant les 15 jours sur le site de la radio à la rubrique émission et rediffusion. Il est temps pour moi de remercier mes acolytes autour de cette table, Félicie, Dominique Segundino, Pascal à la technique. Et n'oublions pas notre animateur. Merci. Bonjour, on dit au revoir. Voilà, et puis à dans 15 jours, tous. Et on fait un petit coucou à Magali, bien sûr. Ciao. Ciao. En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.